bip au moins. Jette un œil dehors, ciel gris, sale temps, orage éclatant, pour aujourd'hui c'est mort. Donc je mets le son fort, le lyrique c'est pas bon. Mais pas attends, en partant, je te le dis, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps pour un monnaie, pas le temps pour les bijoux, pas le temps pour le bonnet, je peux en trouver pour un bisou. Pas le temps pour le trophée, puis j'ai pas les jambes de zizou. J'ai le temps pour un gros bonnet, moi j'ai pas le temps pour les kilos. Puis j'ai pas le temps pour tes conneries là. T'as pris un 16, mais moi je te dis qu'appelle-moi papy. Pardon pour la 16, pardon si j'insiste. Mon son est un zeste, il prend ta base qu'au bois à vie, ça pique, mais vas-y, résiste. Tu veux du bas des amis, non, non, j'ai pas le temps. Je fous nada de ma vie, mais bon, j'ai pas le temps. Tu veux que ça aille vite, t'es fanatique. Le rap c'est pas de la magie, tu t'agis, mais moi j'ai pas le temps. Non, j'ai pas le temps. Sur ce, je vous dis salut. Allez, salut. We'll be right back.